Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins de la philosophie qui inaugure aujourd'hui une semaine sur la pornographie. J'aime la vie et j'aime la sexualité. J'aime l'idée de la sexualité, l'idée du désir, l'idée de la communication. En ce sens, mon art est sexy. Et c'est ce qui fait sa force. Bonjour Laurent Sutter. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Made in Heaven, c'est le titre d'un album de Queen, réalisé après la mort de Freddie Mercury, dans une tonalité kitsch délicieuse. C'est aussi le nom d'une série d'œuvres d'art réalisées par l'artiste Jeff Koons, qu'on vient d'entendre. Œuvres d'art qui ont suscité un scandale au motif que ces œuvres n'étaient pas de l'art mais de la pornographie. Et c'est aussi le sous-titre de votre livre, qui paraît aux éditions La Lettre Volée, qui s'appelle « Pornographie du contemporain ». La boucle est bouclée, c'est-à-dire que Queen avait encore une fois tout compris, surtout Freddie Mercury. Pourquoi cet intérêt de votre part pour l'œuvre de Jeff Koons? Vous aurez noté que l'album de Queen sort après la mort de Freddie Mercury, déjà. Après la mort de Freddie Mercury et évidemment après 1989, qui est la date de la première exposition de cette série d'œuvres, qui est une œuvre qui continue à beaucoup faire couler d'encre, hein, quand il y a eu la grande rétrospective Jeff Koons au Centre Pompidou. On ne pouvait y rentrer qu'à certaines conditions. Elle est enfermée à l'intérieur de l'exposition comme une espèce de zone réservée, comme ça, dans laquelle on pouvait aller voir effectivement ces tableaux un peu licencieux, cette espèce de mélange assez curieux de peintures qui sont de fait des peintures pornographiques représentant l'artiste Jeff Koons avec celle qui n'était pas encore son épouse au moment de la première du vernissage, voilà, de l'exposition. Donc l'actrice de cinéma porno italienne Ilona Staller, connue sous le nom de Cicciolina. Voilà, donc c'est une œuvre qui en effet a suscité une colère unanime. C'est assez rare de le voir dans le milieu de l'art, hein, une espèce de consensus total. Au moment où Jeff Koons la montre à New York, à la galerie Sonnabend, et ben dès le lendemain du vernissage, toute la critique américaine unanime se lance dans une espèce de diatribe furieuse contre ce qu'ils considèrent être véritablement une espèce de prostitution de l'art à la marchandise, au petit goût bourgeois, au kitsch, la pornographie étant pour la plupart d'entre eux, à commencer par leur tête d'affiche Michael Kimmelman, effectivement l'incarnation du kitsch en tant que tel. Ce qui en soi n'est pas un problème d'ailleurs. Le problème, c'est d'associer le pornographique avec l'image que ces personnes se font de ce que devrait être l'art contemporain. Ben complètement. Et je pense que pour pouvoir comprendre en fait toute la controverse qui a tourné autour de Jeff Koons, autour de cette exposition, autour de cette installation, et de comprendre aussi la place très particulière que cette œuvre occupe dans l'histoire occidentale de la pornographie, je pense qu'il n'est pas inutile de peut-être faire un détour quand même pour poser deux trois petites choses, parce que la pornographie c'est une catégorie extrêmement vaste, voilà, que l'on entend très souvent du point de vue moral, parfois du point de politique, quoique un peu moins, alors qu'à la base c'est véritablement une catégorie esthétique. C'est le parti pris de votre livre, hein. Pornographie du contemporain, c'est une catégorie esthétique. C'est à la fois le parti pris de mon livre, mais c'est surtout le résultat, je pense, il est difficile en tout cas d'argumenter contre le fait qu'il s'agit d'une catégorie esthétique, pour commencer, dans la mesure où, dans notre tradition, disons dans la tradition occidentale, c'est véritablement depuis le lieu de l'image que la pornographie naît. Pour le dire de manière très très très très précise, elle naît dans la Grèce, antique. Vous voyez, pornographein, voilà, c'est la pornos ou porné, c'est la petite prostituée. Graphein, c'est l'inscription, la dépiction, c'est-à-dire le geste porté à l'intérieur d'un espace graphique. Et c'est en gros la pornographie, c'est la description. Par le biais d'un instrument, de la vie de ce qui est prostitué ou de qui est prostitué. Bon, alors ce mot, il apparaît dans la tradition grecque la première fois pour désigner un travail particulier, qui est le travail d'un peintre que peu de gens connaissent, aussi ils ont lu Pline l'Ancien, qui est le peintre Parrhasios. Alors Parrhasios, c'est une figure très très intéressante parce que, si vous voulez, dans l'histoire de la peinture grecque, il est souvent présenté comme l'ennemi, le concurrent de celui qui est peut-être le plus célèbre peintre grec pour nous aujourd'hui, qui est le peintre Zeuxis, qu'on connaît pour cette fameuse peinture de raisins que vont picorer les oiseaux. Or, ce qu'on nous dit... Des raisins qui étaient peints de manière tellement réaliste que les oiseaux se trompaient. Que les oiseaux se trompaient et allaient les picorer. Alors, ce qu'on oublie quand on raconte l'histoire de Zeuxis, c'est qu'en fait, il s'agit d'une histoire en deux parties. Zeuxis, au moment où il peint cette coupe de raisins, il la peint en défi. Ou pour répondre à un défi visant à déterminer qui de lui ou de Parrhasios est le meilleur. Et lui, il peint ses raisins, les oiseaux viennent le picorer. Ensuite vient le moment où Parrhasios doit révéler son propre tableau. Zeuxis va chez Parrhasios, rentre dans son atelier, qui est coupé en deux par un très grand rideau, et Zeuxis s'énerve. Bon, allez, tu as assez joué, maintenant, montre-nous ton tableau, écarte le rideau. Le tableau, c'est le rideau. Et Parrhasios, d'une certaine manière, gagne cette compétition, même s'il a perdu dans le domaine de l'histoire, il gagne parce que lui n'a pas dupé les oiseaux, mais il a dupé le peintre qui a dupé les oiseaux. Et Parrhasios a donc cette figure très très particulière. Or, sa spécialité à Parrhasios, c'était pas les rideaux. Sa spécialité, c'était effectivement la peinture de... C'était un grand viveur, si vous voulez. C'était la peinture érotique ou la peinture pornographique, la peinture dans laquelle il mettait en scène effectivement des prostituées. Peintures qui ont eu énormément de succès et qui ont, tant de succès que toute une série d'empereurs romains, Tibère par exemple, les collectionnait encore... Plusieurs siècles après. Alors, ce qui est intéressant dans cette scène, évidemment, au-delà de l'anecdote, c'est le fait que il s'inscrit dans le mot pornographos, dans cette figure de Parrhasios, un des inventeurs de la peinture, un des premiers à porter la peinture en Occident à son point de perfection et donc à ouvrir une tradition qui est une tradition de l'image, d'inscrire donc l'idée de pornographie dans une espèce de triplet, enfin, dans lui donner trois caractéristiques. Un, la pornographie est effectivement une question d'image. Deux, la pornographie est une question de représentation. Il n'y a pas de pornographie abstraite, si on veut. Et trois, eh bien, la pornographie a rapport direct, intime, profond et définitif avec la prostitution. C'est ce lien entre pornographie et prostitution qu'on va essayer d'explorer ensemble, parce qu'il n'est pas sans lien non seulement avec l'œuvre de Jeff Koons, mais avec l'analyse que vous proposez du contemporain comme étant une époque qui se prêterait particulièrement à la pornographie. Lorsque vous parlez de prostitution, ça implique, il faut entendre prostitution, pas simplement le métier de certaines femmes à l'époque et encore aujourd'hui, mais aussi un rapport au corps qui est celui de la marchandise. Et le terme de marchandise est celui qui nous permet de comprendre le lien entre pornographie et prostitution. Oui, absolument. Et c'est à cet endroit-là qu'on retrouve évidemment les critiques qui viennent taper sur la tête de Jeff Koons et sur son travail. C'est qu'effectivement, ce qui y est repéré immédiatement, c'est le fait qu'il s'agit d'une œuvre vendue, pour le dire très fort, vendue à la fois à des canons esthétiques considérés comme vulgaires et vendue aussi à des intentions qui sont considérées comme des intentions niaises, puisque Jeff Koons n'a pas arrêté de proclamer à quel point il voulait que ses peintures soient des peintures qui rendent les gens heureux, etc., etc. C'est-à-dire formule toute une série d'un horizon ou un programme, qui est un horizon ou programme qui ressemble juste à l'horizon ou programme de la petite bourgeoisie venant cultiver ses chromos d'une certaine manière, renouant directement avec l'histoire du kitsch, c'est-à-dire l'histoire de ces petites marchandises qu'on se vendait dans certains magasins allemands dans les années 1860, petites marchandises qu'on pouvait poser sur sa cheminée, etc., qui étaient des marchandises à destination du vulgaire et qui étaient des copies plus que des copies, des espèces d'œuvres qui prétendaient reproduire des traits du grand art, mais dans des figures qui étaient des figures plus faciles d'accès, voilà. Donc le kitsch à l'origine, c'est la manière dont le grand art se prostitue auprès du vulgaire, d'une certaine manière. Mais pardonnez-moi, pourquoi prostituer, pourquoi ce lien entre marchandise et prostitution? Parce que vendre quelque chose, c'est pas forcément se prostituer. vendre des petits objets qui ont l'air kitsch qu'on peut mettre sur sa cheminée, où est la prostitution? C'est de la marchandise, pas de la prostitution. Dans l'histoire de la modernité, marchandise et prostitution, c'est une seule et même chose. Je pense que l'histoire de la philosophie, dans la modernité en tout cas, propose une équation très très forte, où tout ce qui est considéré comme marchandise est en même temps considéré d'une certaine manière comme prostitué, prostitué au capital, prostitué à la valeur, par rapport à la qualité par exemple, prostitué à toute une série de choses. Mais de manière un petit peu plus profonde, si on réfléchit à la signification du terme prostitution dans effectivement cette histoire qui s'inaugure avec les Grecs et qui s'inaugure avec Parasios, prostitution, ça désigne effectivement un corps, un corps particulier, un corps de femme dans un certain contexte, un corps de femme qui se trouve indexé à une valeur plutôt qu'à sa qualité propre d'être femme, une valeur qu'on vient lui donner pour quelque chose qui a trait à la sexualité. Mais cette indexation, est une indexation qui se dépasse elle-même. C'est-à-dire que quand on parle de prostitution, c'est pas juste un service sexuel rendu contre de l'argent, c'est véritablement un monde comme ça qui s'ouvre, dans lequel ce qui devient premier est l'échange. Et je crois que ce qui a, décidé de l'inscription, si on revient au cas de Kuntz, qui a décidé de l'inscription de l'œuvre de Kuntz à l'intérieur de l'espace de la pornographie et donc à l'intérieur de l'espace de la prostitution, c'est précisément à cet endroit-là que ça se situe, au moment où, en effet, on passe d'une conception de la prostitution qui est une conception de, c'est une personne qui se prostitue, à une définition générale de l'espace de la marchandise comme espace de la pure valeur, indépendamment de ce qui pourrait faire sa qualité intrinsèque. On est obligé, quand on visite les grands appartements, de voir le lapin ridicule, le homard qui va vous dégoûter du homard pour le restant de vos jours. Pour faire très court, une exposition OGM, œuvre génétiquement modifiée, et donc elle n'a pas plus sa place à Versailles que les OGM dans les champs. Vous avez la Cinciolina qui tient, par exemple, la panthère rose. L'explication de Jeff Koons, c'est qu'elle va la ramener chez elle pour se masturber. Je vais m'excuser, mais je ne fais que citer M. Jeff Koons. C'est-à-dire qu'on vous montre des objets qui, finalement, pourraient sortir de bandes dessinées pour les enfants, des ballons, etc. Mais quand vous en faites la deuxième lecture, vous vous apercevez que là, il y a tromperie, parce qu'il n'y a que pornographie. On se demande où est la justice en France. C'est-à-dire que si on ne peut pas défendre ce que tout le monde voit, parce que, interrogez les touristes, ils voient très bien que c'est une profanation, au sens large. Actuellement, on sait qui fait ces profanations, et en plus, c'est fait sous l'égide de l'État. C'est insupportable, et nous avons, dans cette affaire, toute la France avec nous. Voilà la règle. Je pense que cette série est probablement moins choquante aujourd'hui. Mais l'idée de fond, c'était l'acceptation de soi. À l'époque, je commençais à me rendre compte à quel point les gens nourrissaient encore beaucoup de sentiments de culpabilité et de honte, qu'ils avaient beaucoup de mal à s'accepter tels qu'ils étaient. Et cette incapacité à s'accepter a un impact énorme sur la sexualité. C'est pourquoi j'ai voulu réaliser ce projet artistique sur le thème de l'acceptation de soi. C'est de cela que parle un tableau comme Ilona's House Rule. L'acceptation de soi, l'acceptation de notre nature, de notre sexualité, des boutons qu'on a sur les fesses, c'est parfait. Tout est parfait. On accède à l'éternité par le biologique, par la procréation. C'est comme ça que ça marche. Et ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte, bien au contraire. Il faut accepter ces petits boutons sur les fesses. C'est Jeff Koons qui le dit sur France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de pornographie cette semaine et aujourd'hui en compagnie du philosophe Laurent de Sutter qui publie une pornographie du contemporain aux éditions La Lettre Volée. Avant de commenter ce que vient de dire Jeff Koons, qui est vraiment fabuleux, Laurent énorme, de Sutter. C'est énorme. Dites-nous quand même ce qu'on voit dans cette exposition. Alors justement, ça c'est assez important parce que très très souvent on se focalise sur ces grands tableaux qui sont véritablement des tableaux. Ce sont des reproductions peintes avec une minutie ultra maniériste de photographies qui ont été prises donc en studio, etc. Photographies qui sont effectivement qui représentent Jeff Koons nu et la Cicciolina habillée d'une espèce de tenue qui pourrait rappeler vaguement une tenue un peu virginale comme ça de mariée, mais mariée où il reste plus grand chose, disons. Mariée à Port-Jartel. Voilà, mariée à Port-Jartel, exactement. Dans un décor qui est un décor très d'Éden kitsch là pour le coup. Et donc vous avez ces grands tableaux autour de la pièce, mais vous avez aussi toute une série d'autres choses qui l'accompagnent. Il y a des sculptures qui sont un peu de la même nature, représentant à nouveau Jeff Koons et la Cicciolina. Puis vous en avez d'autres représentant des espèces de petits lapins un peu bizarres, des petits arbres, etc. C'est tout un, si vous voulez, c'est davantage qu'un ensemble d'images que l'on pourrait feuilleter dans un magazine, c'est une espèce de bizarre monde comme ça qui se dessine, où les tableaux et les petits oursons se mettent à se répondre, où les sculptures et les peintures, voilà, dessinent un rapport entier à quelque chose. Et il est difficile, je crois, de parler de cette œuvre si on n'interroge pas pourquoi cette décision. S'il avait juste voulu se photographier en train de baiser avec sa future femme, il aurait pu faire des grandes photos, les plaquer au mur, ça aurait été fini. Il n'y a pas besoin de petit ourson. Il n'y avait pas besoin de petit ourson, il n'y a pas besoin de passer par la peinture, il n'y avait pas besoin de passer non plus par la sculpture, par toute une technique. C'est très important chez Jeff Koons, la technique et le savoir-faire, et l'héritage du savoir-faire. Savoir-faire en l'occurrence allemand, savoir-faire hérité des grands faiseurs de porcelaine, du rococo allemand, etc., etc. Bon, il y a un sens à creuser dans l'installation elle-même, et avant même de pouvoir, je pense, commencer à balancer, comme faisaient les visiteurs de Versailles, les jugements, tout fantastique, la France est contre... Que fait la justice. Voilà, et que fait la justice, c'est quand même absolument merveilleux. Mais ce scandale dit quelque chose, alors est-ce ce que recherche Jeff Koons? Pas si sûr quand on l'entend, hein, si c'était l'extrait d'un documentaire en 2016 sur Arte, où il dit qu'il pense que l'exposition ne choquerait pas tant aujourd'hui, donc quasiment 20 ans plus tard, enfin plus de 20 ans plus tard même, mais il dit surtout ce qui l'a motivé, c'était l'idée d'acceptation de soi. Vous proposez la pornographie comme étant, enfin vous proposez d'y réfléchir comme étant une catégorie esthétique. Chez lui, on a l'impression que c'est plus, ça relève du développement personnel. Il faut s'accepter, je vous montre ce que vous croyez être le pire, pour vous faire comprendre qu'en réalité, nous le partageons tous et autant s'aimer tel que nous sommes. Oui, c'est assez compliqué à dénouer cette affaire, parce que tout a l'air absolument transparent, mais en réalité c'est parfaitement opaque. Quand on creuse un petit peu, qu'on se met à gratter ces phrases qui ont l'air de sortir en effet d'un manuel de développement personnel particulièrement tarte, à supposer qu'il en existe qui ne serait pas tarte, on est vraiment dans quelque chose qui paraît très très particulier. Moi ce que je propose, c'est d'être un petit peu attentif à ce que Jeff Koons a fait. Et à regarder d'un peu plus près comme ça son travail. Et l'hypothèse que je propose, c'est de dire, au fond, Jeff Koons, sa grande force, c'est qu'il est plus un moderniste. C'est-à-dire qu'en effet, il croit plus au scandale. Il croit pas au scandale. Il croit pas à l'intérêt du scandale. C'est quelque chose qui, parce qu'il ne croit pas que l'art puisse fonctionner suivant une logique de rupture ou, comment dirais-je, une tradition court derrière une autre tradition pour savoir laquelle sera la plus pertinente ou laquelle sera la plus vraie, laquelle sera la plus proche du réel. Ce qui était le cas pendant toute l'histoire du 20e siècle et même une partie de l'histoire du 19e siècle. Cette espèce de course cubiste. Ah non, le cubisme n'est pas encore assez proche du vrai, du cœur de l'être. Ah bien, on va aller ailleurs, on va aller suprématiste, on va aller ensuite, etc. Expressionnisme abstrait, et on avance, et on avance, et on avance, dans la quête toujours plus évanescente de la vérité des choses, quête qui est ensuite jugée par les critiques, par le public, en fonction d'un appareil conceptuel, un appareil théorique, lui, hérité au fond de la, disons, de la fin du classicisme, ou en tout cas du moment néoclassique qui apparaît après le rococo, et dont une personne, une figure incarne bien l'importance, qui est la figure de Denis Diderot dans le domaine de la critique d'art, et la figure d'Emmanuel Kant évidemment dans le domaine de la philosophie. En gros, notre époque, l'époque dont nous vivons la queue de comète, effectivement l'époque de ceux qui continuent à croire que l'art se juge. Et qu'il se juge à l'aide d'un ensemble de critères, critères qui sont des critères que l'on peut déterminer, et critères qui sont fonction d'un sujet exerçant sa capacité critique sur les objets auxquels il est confronté. Alors ça représentait une très grande nouveauté, ça, au moment où c'est arrivé, c'est évident, dans la mesure où l'art des époques précédentes reposait sur un autre appareil intellectuel, qui était un appareil qui n'était pas tant critique et tant attaché à un sujet, qu'un appareil d'obéissance ou de police objectif, si vous voulez, qui était celui de, est-ce qu'effectivement, le cahier des charges par rapport au style, au genre, etc., est plus ou moins respecté, les couleurs, etc. Donc, cahier des charges très fort, très objectif. La modernité philosophique et critique est celle du développement d'une forme de subjectivité, mais une subjectivité qui est toujours jugeante. Avec Koons, on rentre dans un autre univers. Et c'est là où la question de la marchandise, de la prostitution, etc., et donc de la pornographie devrait être dépliée un petit peu plus en avant, parce qu'on rentre dans un âge où ce qui est important, c'est pas ce qu'on pense ou ce qu'on ressent d'une œuvre, c'est pas la manière dont elle répond oui ou non à un cahier des charges, mais la manière dont elle nous fait quelque chose, ou plutôt dont elle nous fait faire quelque chose. C'est-à-dire que, plutôt que le style, ou plutôt que le goût, on rentre dans l'âge de l'usage, qui est effectivement un terme là. Avec Jeff Koons ? Je pense que Jeff Koons l'incarne, mais c'est pas avec lui qu'on y entre. Jeff Koons, d'une certaine manière, est celui qui parvient arriver au bout de cette comment dirais-je de cette proposition, mais une proposition dont on peut, à mon sens en tout cas, tracer les origines chez Baudelaire, dans la lecture que Benjamin fait de Baudelaire. On la trouve déjà active d'une certaine manière chez Duchamp, etc. De telle sorte que s'ouvre, je crois, une autre possibilité de lire l'alternative au modernisme qui triomphe encore dans nos esprits, dans une relecture, voilà, d'un moment qui passe comme ça de Baudelaire à Kuntz, où Kuntz devient l'héritier premier du baudelairisme. Et donc d'une sorte de troisième volet dans l'histoire de l'art, hein, ce que vous décrivez. On passe d'un moment où on suit le cahier des charges à la prise en compte du jugement du spectateur dans la création artistique, et enfin la question même de l'usage, un terme que vous avez beaucoup prononcé depuis le début de cette émission et qui est en effet central pour penser non seulement la pornographie, mais aussi le travail de Jeff Koons, c'est celui de kitsch. Pourquoi est-ce que l'exposition de Jeff Koons, Made in Heaven, est d'un kitsch absolu? On parle de baroque, de rococo, on pense à des œuvres d'art pompiers. Voici un élément de réponse grâce à un texte de Walter Benjamin qui pense la transformation du rapport du spectateur à l'œuvre d'art à travers cette notion de kitsch qui est peut-être un moyen de rapprocher l'œuvre d'art du spectateur à travers l'idée même de banal. Écoutez. Le rêve n'ouvre plus sur des lointains d'azur. Il est devenu gris. La couche de poussière grise sur les choses en est la meilleure part. Les rêves sont à présent des chemins de traverse menant au banal. La technique confisque définitivement l'image extérieure des choses, comme des billets de banque qui vont être retirés de la circulation. Dans le rêve, la main s'en saisit une dernière fois. Elle prend congé des objets en suivant leurs contours familiers. Elle les saisit par l'endroit le plus usé. Ce n'est pas toujours la manière la plus convenable. Les doigts des enfants n'entourent pas le verre. Ils plongent dedans. Par quel côté la chose s'offre-t-elle au rêve? Quel est cet endroit le plus usé? C'est le côté qui a pris la patine de l'habitude et qui est garni de sentences commodes. Le côté par lequel la chose s'offre au rêve, c'est le kitsch. Ce que nous appelions l'art ne commence qu'à 2 mètres du corps. Mais voilà qu'avec le kitsch, le monde des objets se rapproche de l'homme. Il se laisse toucher et dessine finalement ses figures dans l'intériorité humaine. L'homme nouveau porte en lui toute la quintessence des formes anciennes. Et ce qui se constitue dans la confrontation avec un environnement issu de la seconde moitié du XIXe siècle, dans les rêves comme dans les phrases et les images de certains artistes, c'est un être que l'on pourrait appeler l'homme meublé. Côté par lequel la chose s'offre au rêve, c'est le kitsch, écrit Walter Benjamin, avant de rajouter ce que nous appelions l'art ne commence qu'à 2 mètres du corps. C'est dire combien ici les questions de distance entre l'œuvre et le spectateur, Laurent Sutter. Oui, absolument, et la phrase qui suit, donc qui dit mais voilà qu'avec le kitsch, le monde des objets se rapproche de l'homme, c'est véritablement une phrase décisive. La question est celle de la distance, mais la distance pas au sens de simplement de l'appropriation ou la distance physique, mais la distance au sens de qu'est-ce qui nous lie au monde des objets? Quel est le lien que nous avons au monde des objets à partir du moment où le monde des objets n'est plus seulement quelque chose sur lequel on possède une suprématie absolue en tant que sujet venant juger d'une certaine manière des objets? Qu'est-ce qui se passe quand les objets sont reconnus comme possédant un pouvoir propre, voire même une vie propre, et que c'est ce pouvoir propre et cette vie propre qui, en retour, nous fait agir. Et ça, d'une certaine manière, c'était déjà la question c'était déjà la question de Baudelaire. C'est une question qui revient très souvent dans les textes que Benjamin consacre au passage, consacre aux vitrines, consacre à la figure baudelairienne du flâneur, consacre à cette espèce de transformation que connaît la culture commerciale de la seconde moitié du XIXe siècle, et en particulier cette figure parisienne du passage, avec cet espace où se mêlent ensemble la vitrine, l'objet présenté dans la vitrine à la concupiscence du flâneur, de celui qui veut l'acheter, et les passages qui étaient des grands lieux de prostitution. De telle sorte que, entre la marchandise et la figure de la prostituée, s'établit comme une espèce de continuum qui vient incarner, si vous voulez, cette espèce de rapprochement que Benjamin voit s'effectuer dans le kitsch. Et du reste, c'est pas un hasard, puisque vous connaissez cet apophthegme, enfin cette fusée de Baudelaire dans Mon cœur mis à nu, hein, qu'est-ce que l'art, prostitution ? Qu'est-ce que l'art ? Point d'interrogation, réponse, prostitution. C'est point. Baudelaire qui le dit. Voilà, et c'est tout, il rajoute rien. Et c'est tout, absolument. Ce qui est une phrase, voilà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les artistes sont des putes ? Non, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire que il n'y a d'art significatif que pour autant qu'il accepte de s'inscrire dans ce monde nouveau, qui est le monde des objets, en tant qu'absolument prostitué, en tant qu'absolument laissé à la désirabilité de tous derrière cette vitrine, que cette vitrine soit la vitrine effective du magasin ou la vitrine du passage dans laquelle les prostituées vont et viennent, dans une espèce de partage comme ça, un peu vertigineux des qualités, où on ne sait plus très bien qui est un sujet, qui est un objet. L'essentiel étant que, en effet, un désir sans manifeste qui emporte les sujets au-delà d'eux-mêmes, au-delà de leur certitude et de la toute-puissance qu'ils croient posséder, parce qu'ils effectuent sur les choses effectivement cette opération permanente qui est l'opération du jugement. Ça, c'est très très fort, ce truc-là. Qu'est-ce que l'art ? Prostitution, c'est-à-dire l'art n'est pas simplement vendu, l'art c'est pas juste le marché de l'art, l'art c'est pas juste les artistes qui sont prêts à tout, parce que les artistes ont toujours été prêts à tout de ce point de vue-là, si vous voulez. Quelque part, le paradoxe, c'est que quand Baudelaire dit ça, on arrive peut-être à... Qu'est-ce que l'art pornographie ? Il dit pas prostitution. Hein. Il dit prostitution. Il dit prostitution ? Il dit prostitution. Ouais. C'est le mot qu'il utilise, il dit pas qu'est-ce que l'art pornographie. Même si, je vous l'ai dit, c'est la même chose. Quelque part. C'est la même chose, puisqu'il s'agit effectivement de décrire l'avènement d'une forme de prostitution généralisée. Et c'est ça que Jeff Koons met en scène, d'une certaine manière, en mettant en scène ce kitsch d'un acte sexuel voué à la consommation, là pour le coup vraiment banale. D'ailleurs, banalité, c'est le titre d'une de ses autres installations. En la mettant en scène comme cela, et en utilisant tout un vocabulaire qui est le vocabulaire de la pornographie pop culturelle, véritablement, la cicciolina. On utilise le photographe de la cicciolina pour prendre les clichés qui vont ensuite donner lieu aux photographies. Jeff Koons s'entraîne, comme s'entraînent les stars du X pour avoir une espèce de forme physique, etc., un petit peu, voilà. Si vous voulez, à cet endroit-là, dans cette espèce d'excès comme ça d'artifice qui se constitue et qui vise à constituer aussi toute l'affaire en une espèce d'objet de consommation, eh bien, se propose immédiatement le dépassement de la consommation dans elle-même. Et ça, c'est un truc auquel il faut vraiment réfléchir, quelque chose d'extrêmement puissant et quelque chose qui était déjà, voilà, c'est ce que dit Baudelaire. C'est depuis le lieu de la prostitution généralisée des choses que pourra avoir lieu quelque chose qui dépasse d'une certaine manière cette prostitution en l'assumant. C'est d'ailleurs peut-être ce qui est reproché à la pornographie, comprise comme catégorie esthétique, ce que vous faites, Laurent Sutter, qui est d'abolir cette distance entre nous et l'œuvre. Au fond, des images dites pornographiques nous montrent des choses que nous ne sommes pas prêts à voir, ou que nous n'avons pas encore avoué à nous-mêmes le désir même de les voir. Et cette abolition de la distance qui est prise dans une forme très particulière, ce que Benjamin appelle le kitsch, cette notion du kitsch qui est à la fois quelque chose qui se vautre dans une banalité absolue et qui promet une accessibilité permanente, liée à un interdit ou quelque chose, ou un tabou, quelque chose que nous on ne voudrait pas voir, l'anus de la femme de Jeff Koons. C'est cet assemblage des deux qui produit peut-être pour le spectateur, l'effet même de la pornographie. Mais tout d'abord, il faudrait préciser une chose à propos du concept même de kitsch. Kuntz ne l'utilise jamais, ce concept. C'est un truc qui appartient pas à son monde. Et de fait, dans l'histoire de la constitution du concept de kitsch, donc une histoire qui remonte aux années 1860 et qui est formalisée ensuite au début du XXe siècle pour prendre sa forme canonique chez un grand critique d'art américain qui sera le champion du modernisme, qui est Clement Greenberg, le concept de kitsch sert qu'à une seule chose, sert à faire la police. C'est-à-dire à faire la distinction entre ce qui est du bon art et ce qui est du mauvais art. Et certains ont pu répondre à Greenberg, je pense à Tom Wolfe dans les années 70 par exemple, qu'au fond ce que lui jugeait kitsch, lui ou d'autres que lui, Harold Rosenberg, d'autres, c'était au fond que ce qui leur plaisait pas. Que ce qui satisfaisait pas le type de programme que eux voulaient imposer d'une certaine manière au grand art de leur époque, dans cette espèce à nouveau de chasse très moderniste d'une tradition suivant une autre, etc. Et quelqu'un comme Herman Brock, à mon avis, a saisi la chose de manière un peu plus précise en disant, un peu plus précise que Tom Wolfe, en disant dès les années 30 que, au fond, le kitsch, ce qu'il rend perceptible, c'est le moment où la grandeur, dans son affirmation à la grandeur, rentre en crise. C'est le moment où la grandeur est confrontée à son propre impossible. Pourquoi ? Parce que toute tradition, quelle qu'elle soit, finit d'une certaine manière par devenir le kitsch de quelque chose d'autre, si vous voulez, l'histoire du kitsch. Et il n'y a pas de kitsch transcendantal, il n'y a pas de kitsch absolu, transhistorique, il n'y a pas d'exemple de cela. Le kitsch est directement inscrit dans un temps, dans une époque, dans un moment, etc., de telle sorte qu'un kitsch finit par chasser l'autre. Et moi, j'aime bien cette idée que le kitsch représente le moment de crise, le moment où une tradition rentre en crise d'elle-même, quoi, qu'elle parvient plus tout à fait à s'assurer de ce qu'elle est et à s'affirmer comme aussi grande que ce qu'elle aimerait bien qu'elle soit grande. Et donc c'est pas un hasard que Kuntz n'utilise pas cette catégorie et qu'il lui préfère celle de banalité, parce que celle de banalité, là, la question de savoir si l'art est grand ou pas grand n'a plus aucune importance. On peut en revenir à la condition même des objets, c'est-à-dire des objets à nouveau qui, dans la modernité, reçoivent un statut nouveau, qui est celui du statut de masse, du statut de la banalité de la masse. Donc, même les objets eux-mêmes perdent leur préciosité, perdent leur prix, perdent leur valeur. Et le situer à cet endroit-là, eh bien, c'est effectivement un geste de plus qui nous écarte, disons, des exigences du jugement critique qui était encore celui que la catégorie de kitsch incarnait. Reste à savoir si, même si le terme de kitsch s'applique à Jeff Koons, si lui ne l'emploie pas, c'est quand même ce qui saute aux yeux quand on voit cette espèce de statue de marbre où il se couche pour pénétrer sa femme qui elle-même étant mariée dénudée sur une espèce de lit d'écailles de serpent doré. Le terme de kitsch vient à l'esprit très très vite, même si lui ne l'emploie pas encore une fois, plus que celui de banalité. Non, la question qui se pose, c'est celle de savoir dans quelle mesure ce que vous dites s'applique à l'âge et l'art contemporain en général. Je vous propose qu'on écoute la voix de Théodore Adorno. Théodore Adorno qui n'aime pas beaucoup les masses médias, ni les masses quoi que ce soit d'ailleurs, et qui propose une analyse très intéressante du changement du rôle du consommateur, hein, il dit pas le spectateur mais le consommateur, dans la société contemporaine, son contemporain, et qui montre bien que cette fois-ci, en fait, le sujet de consommation devient lui-même l'objet. Et vous verrez en quelle mesure ça s'applique aux réflexions que nous proposons sur la pornographie. L'industrie culturelle tient sans conteste compte de l'état de conscience et d'inconscience des millions de personnes auxquelles elle s'adresse. Mais les masses ne sont pas alors le facteur premier, mais un élément secondaire, un élément de calcul, accessoire de la machinerie. Le consommateur n'est pas roi, comme l'industrie culturelle le voudrait, il n'est pas le sujet de celle-ci, mais son objet. Le terme de « mass media » qui s'est imposé pour l'industrie culturelle ne fait que minimiser le phénomène. Théo Théodore Adorno sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, c'était en 1963. On diffuse beaucoup la voix d'Adorno pour pester contre la chanson populaire, c'est il n'y a pas très longtemps, dans cette même émission, sur les masses médias, etc. C'est un grand penseur esthétique, il faut quand même le dire, Laurent de Sutter. Il s'est affronté, en tout cas, à la modalité de l'esthétique contemporaine, celle de son temps. Il met au point ici quelque chose qui nous est assez utile, l'emploi du terme de machinerie. C'est assez étrange. Oui, c'est assez étrange et c'est assez bien vu. Dès que j'entends le mot Adorno, j'ai une crise d'urticaire comme ça. Effectivement, je fais dans la mesure où il représente assez bien, d'une certaine manière, la manière dont, la pensée critique se présente encore toujours comme plus forte que ce qu'elle pense. C'est quelque chose qui, moi, me fatigue profondément chez lui, mais je reconnais ici tout à fait qu'en mettant le doigt sur l'idée de machine, ça nous renvoie à l'espèce d'univers de fabrication qui est bien l'univers des objets dans lequel la modernité entre. Il n'y a pas de fabrication de masse, de fait, sans univers machinique. Mais précisément, l'univers machinique, ça peut être plein de choses. Ça peut être simplement l'usine Ford, mais ça peut être aussi, les machines désirantes de Deleuze et Guattari, et ça peut être aussi les machines de Duchamp, notamment les machines, la machine mariée, la machine célibataire dans La Marie mise à nu par ses célibataires même, hein, par cet état du grand verre. Ces deux machines dont Duchamp décrit l'espèce de danse désirante un petit peu étonnante quand il décrit la machine mariée qui se fait draguer par la machine célibataire, qui n'a pas envie du tout de se laisser aller au désir de la machine célibataire, mais qui n'en est pas moins, et c'est Duchamp qui le dit, qui n'en est pas moins chaude, c'est-à-dire elle se refuse mais chaudement, c'est-à-dire qu'elle est très excitée en gros. Et il est assez amusant que Duchamp conçoive une œuvre d'art machinique comme étant une œuvre d'art dont toute la machinerie se trouve organisée par des fonctionnements, par des flux qui sont des flux de désir, par le fait que la machine désire elle-même quelque chose, dans son propre fonctionnement même, et que ce désir la fasse changer d'état, lui fasse bouger un rouage dans un sens ou dans un autre. Et ça, c'est une interprétation de la machine qui est inimaginable pour Adorno. Pour Adorno, la machine est une espèce de chose neutre qui est l'application, d'une certaine manière, de la technique, nous enfonçant toujours davantage dans une espèce d'aliénation par rapport à une nature humaine. Voilà, je ne sais pas très bien où il va la trouver, mais enfin, quelque chose comme une nature humaine authentique. Avec Duchamp, on a une autre vision de la machine qui est une machine qui nous permet à nous d'apprendre quelque chose, d'une certaine manière, sur la manière dont nos propres désirs fonctionnent. Et une des grandes influences de Jeff Koons, qui est bien sûr Andy Warhol, avait très très bien compris ça. Quand il dit quelque part dans un de ses journaux « Je veux être une machine », ça veut pas dire autre chose que « J'aimerais bien désirer comme une machine », parce que les machines, ça désire très très bien, les machines. En fait, c'est nous qui désirons relativement mal. Le mécanisme de désir des machines est un mécanisme de désir qui fonctionne très très très bien, et on peut apprendre cela de la machine. Mais c'est ce qu'on peut reprocher d'ailleurs aux films porno, de présenter le désir comme étant quelque chose de machinal. Et ce à quoi on oppose l'érotisme, qui au contraire serait fait d'une espèce d'expression du désir beaucoup plus subtile. On peut le reprocher, ou au contraire on peut les en féliciter, et considérer que c'est précisément ça qu'il y a d'intéressant chez eux. Et j'aurais tendance à dire que ce serait quelque chose que Jeff Koons dirait volontiers. Quand il dit qu'en effet ce qu'il attend de son travail, de ses images, de ce demi en gros plan, etc., que... elles nous rendent plus heureux, ou qu'elles nous ramènent à notre vie, fassent de notre vie quelque chose de plus riche. Ça peut paraître complètement absurde. Sauf si on se souvient effectivement de cette bizarre tradition machinique, et le fait que le kitsch soit aussi le produit de la machine. Les premières pièces de kitsch, c'est de la machine industrielle, c'est à destination des masses populaires, c'est de la fabrication de masse. De même que l'iconographie qu'utilise Koons, c'est une iconographie de masse, etc., etc. Ce qui nous apprend, c'est que la machine désire parfois suffisamment fort pour nous faire faire à nous des choses qui nous rendent, nous, notre vie plus intéressante. Alors, je ne dis pas que c'est ce que fait son travail. Ce que je dis, c'est que c'est l'hypothèse sur laquelle il repose. Et cette hypothèse-là, par contre, j'aurais tendance à la défendre contre tous ceux qui, un peu dans la tendance, effectivement, d'Adorno, auraient pour réflexe, d'abord, de vouloir ressusciter un discours, le discours à nouveau de la critique et du jugement, comme discours de la suprématie par rapport aux objets, où le désir d'une certaine manière des êtres humains se trouve, imposé à ce qui pourrait nous apprendre quelque chose sur notre propre désir, justement. Mais quand vous dites que le contemporain peut se caractériser par un certain rapport pornographique et qui s'exprime dans l'art, et en particulier dans Jeff Koons, est-ce que ça veut dire que, pour vous, nous vivons dans une époque, notre contemporain est pornographique ? Mais je sais pas, j'aurais tendance à dire, s'il fallait, On peut l'entendre, hein, ça, cette surconsommation des images, cette saturation des images, c'est l'obscénité qu'il y a à se mettre en scène. Pornographie au sens pas forcément sexuel, hein, d'ailleurs. Bien sûr. Mais c'est justement ce avec quoi je suis pas d'accord et ce que pour lesquels je crois que méditer un truc aussi apparemment absurde que cette installation de Jeff Koons permet de nous faire un petit peu comprendre cela. Et là aussi, il y a une espèce de saut historique qu'il faut peut-être garder à l'esprit. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans le registre de langage, dans le langage courant et même dans le langage au fond théorique, le mot pornographie a pris une connotation extrêmement floue, d'accord. Là où elle en avait une beaucoup plus précise jusqu'à, disons, la fin du XVIIIe siècle, hein, quand Restif de la Bretonne écrit le pornographe ou qui la prostitution. Restif de la Bretonne. Qui est Restif de la Bretonne? Nicolas Edme Restif de la Bretonne. Plaisir d'entendre son nom à rallonge. Voilà, le grand arpenteur de Paris, quoi, entre autres choses. Grand amoureux des femmes, etc. Et qui, parmi tous les textes qu'il a pu écrire, dans les Nuits de Paris, etc., des grandes déambulations, il a écrit un petit texte qui s'appelle Le pornographe ou la prostitution réformée, dans lequel, à nouveau, le lien entre pornographie et prostitution se trouve engagé, et qui est un texte dans lequel il propose simplement une réforme des bordels, pour le dire de manière extrêmement rapide. Il utilise le mot pornographe pour décrire un espèce d'état un peu gestionnaire. On va faire en sorte que tout cela marche un petit peu mieux. Un demi-siècle plus tard, ou à peine plus, quand Proudhon se met à écrire, à vitupérer contre le commerce des corps, etc., etc., il intitule son pamphlet « Pornocratie ». On est passé de la pornographie, hein, à la pornocratie, c'est-à-dire à la dénonciation de quelque chose comme la domination de la pornographie sur le monde. Moi, j'ai l'impression que quand on entend des discours comme quoi obscénité généralisée, multiplication des images, pornographie généralisée, au fond, on fait que répéter le geste qui était déjà celui de Proudhon, qui voit la même chose, qui croit voir la même chose dans le développement de la marchandise et dans le développement du capital à son époque. Et on en oublie la légèreté avec laquelle Récif de la Bretonne pouvait en parler, et on en oublie aussi, je pense, cette espèce de possible ouvert par Baudelaire, et qui est le possible de... Mais on s'en fout de savoir si ça vous plaît ou pas, si c'est votre goût ou pas. Ce qui est un peu important, c'est est-ce que vous pouvez en faire quelque chose ou rien de cette chose, de cet objet auquel vous êtes confronté. Est-ce que de cette œuvre d'art, vous pouvez faire quelque chose? Ça dépend pas de l'œuvre d'art, ça dépend de vous. Mais là, on n'a pas besoin de la catégorie de pornographique pour penser ça. Penser cette conception de l'œuvre d'art implique bien d'autres formes de monstration que celles liées à la pornographie. Et bien moi, je crois que la pornographie, c'est ce qui nous enseigne de la manière la plus forte. Précisément parce que c'est l'endroit où toutes ces ambiguïtés se trouvent ressaisies en même temps. La question de l'esthétique et la question de l'image, la question de la marchandise et la question de la possession et du capital, la question de l'usage, la question du goût, etc., etc. Tout se trouve comme enserré à l'intérieur de la catégorie de pornographie et les accusations qui peuvent être faites à partir d'elles-mêmes et qu'il faut justement desserrer. Et c'est le petit exercice auquel je crois que l'œuvre de Koons nous engage et que j'ai vaguement tenté de faire dans mon petit bouquin. Dans votre livre, encore une fois, qui s'appelle « Pornographie du contemporain », qui fait un écho étrange, en tout cas, en regardant simplement le titre, avec un ouvrage d'Alain Badiou qui s'appelle « Pornographie du temps présent ». C'est une réponse au livre d'Alain Badiou ? C'est une réponse, mais très très biaisée, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Alain Badiou. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec lui sur ce sujet. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur ce sujet, parce que c'est très très facile de dire que voilà, nous vivons dans un monde d'images, que lui aussi le dit du reste, hein, la pornographie, quel est son lieu? C'est l'image. Et donc son problème dans ce petit livre Pornographie du temps présent, c'est le triomphe de l'image par rapport à l'idée. Je lis quatre lignes pour qu'on ait une idée de ce qu'écrit Badiou. Tel est en vérité l'état contemporain des choses. La classe moyenne se délecte des marchandises et des images téléportées. Cependant que la révolution, le communisme, tel des astres morts, gravite au loin, privé de toute image affirmative et comme englué dans l'imagerie où le monde dominant et son armée de préfets de police s'imaginent pouvoir les cantonner pour toujours. Oui, ben la grande différence entre lui et moi, c'est que lui croit que la révolution se fera à l'écart des images. Moi, je crois qu'elle ne pourra se faire qu'avec les images. Et c'est pour ça que j'ai voulu appeler ce livre « Pornographie du contemporain » comme une espèce de, de clin d'œil mais amical à son travail. Je pense que la pornographie, pour le coup, une certaine pornographie en tout cas, la pornographie pop culturelle, peut-être celle de Jeff Koons, d'autres, peuvent nous donner une opportunité de repenser nos catégories de regard. C'est ça qui m'intéresse fondamentalement, de repenser nos catégories de regard et de nous dégager de ces espèces d'automatismes intellectuels avec lesquels nous tentons à tout bout de champ de forclore les possibles que les choses nous offrent. C'est ça qui me tracasse beaucoup dans la continuation de la pensée critique, c'est que la pensée critique a toujours raison. Si vous voulez, ces catégories peuvent s'appliquer de manière absolument tout terrain sur tout ce qu'elles voient, et les objets eux-mêmes, ils n'ont pas la force. Au fond, les objets, c'est très faible. La pensée critique n'arrête pas de nous dire que les objets sont partout, que nous sommes les victimes des images, que nous sommes les victimes de la cochonnerie universelle et de la marchandise. C'est donner beaucoup de pouvoir à ces choses dont on a l'impression qu'on peut s'en débarrasser en un claquement de doigts, en disant juste c'est de la marchandise, c'est du capital, c'est de la merde. Et donc voilà, passons à autre chose. Si c'est aussi simple que ça, et si c'était aussi vrai que ça, ma foi, je crois que les choses seraient réglées depuis bien longtemps. Et voilà, moi, je pense que... Et ça, c'est un point que j'ai en partage avec Baudrillard, même si à nouveau sur la question de la pornographie, je pense que je suis pas d'accord avec lui. Je crois objects first, quoi, les objets d'abord, et puis après on réfléchira si on peut constituer des sujets derrière. Mais quand vous dites les objets d'abord, ça veut dire que ce que vous essayez de faire, c'est de repenser le rapport entre le rapport entre nous-mêmes spectateurs et les objets, en ne partant pas de cette relation de spectateur à un objet, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le spectateur est aussi lui-même l'objet. Mais en fait, même contre Alain Badiou, vous essayez de réinvestir les images pour en faire quelque chose, c'est ça. Vous ne voulez pas les laisser... D'un côté, vous les humanisez, de l'autre, au contraire, vous les déshumanisez. Absolument. Bah, elles viennent de nous, les images, de toute manière. Ouais. Hein, c'est quand même nous qui les faisons. Mais après, ce qu'elles nous font faire, c'est pas nous qui les maîtrisons. Jeff Koons, il a ses intentions, qui sont des intentions qu'on a entendues tout à l'heure, qui sont des intentions qui peuvent paraître d'une naïveté absolument touchante. Peut-être a-t-il raison dans ses intentions, peut-être pas. Simplement, et c'est Gilles Deleuze qui disait ça de manière très très bien, ce que j'ai voulu faire, est-ce que ça a vraiment une importance, ce que j'ai voulu faire ? C'est ce que ça fait qui a une importance. Que ce que j'ai voulu faire nous mette sur la piste de ce que cela peut faire, c'est une autre chose. Et les remarques de Koons peuvent nous mettre sur une piste. Par rapport à la capacité de ces objets de déjà relire une histoire de l'art, une histoire de la pensée de l'art, dont on avait un petit peu trop vite, à mon sens en tout cas, cru que voilà, elle était réglée une bonne fois pour toutes. Mais là, on a besoin de la pensée critique pour inscrire l'œuvre de Jeff Koons dans une histoire de l'art. Parce que d'un côté, vous la disqualifiez en disant oui, mais la pensée critique disqualifie l'image elle-même, et de l'autre, ce que vous dites ne peut pas se passer de la pensée critique. Et ce que vous faites est aussi un travail critique. Moi, j'ai l'impression que c'est un travail qui est un travail plutôt pragmatique. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement sur Koons à aucun moment. Il y a une mais critique au sens noble du terme. Justement, je ne pense pas qu'il y ait de sens noble au sens ancien du terme. Voilà, justement, je ne pense pas. Je pense vraiment pas qu'on puisse donner un sens noble à critique, même au sens vraiment de la. Au sens de la des trois grandes critiques. Au contraire, j'ai l'impression vraiment tout le mal vient de là, vient du fait que au-delà de la critique esthétique, il y a tout un mode de pensée du monde qui se trouve immédiatement investi. Donc le problème de la troisième critique, c'est la première d'une certaine manière. Oui, je ne sais plus ce que je voulais dire avec ça. Je vous disais que vous-même, peut-être, reproduisez à votre manière un geste qui était critique. Parce que vous proposez d'en finir avec le jugement, en fait. Oui, absolument. Absolument. Peut-être que je me plante complètement. Non, mais ce n'est pas la question. Il est possible que je me plante parce qu'à nouveau, ça ne dépend pas tellement de moi. J'essaie de faire quelque chose qui est de l'ordre de ce que moi j'appelle une pragmatique, quoi. Après, je suis pas, je peux pas être complètement comptable des effets que ça peut avoir ou pas. Simplement, c'est une proposition qui pourrait permettre, pour ceux qui y adhèrent ou ceux chez qui ça provoque l'envie de faire quelque chose d'autre, de rentrer effectivement dans une chaîne qui est une chaîne d'enchaînement. Donc, la proposition par rapport à la conclusion, à la thèse, ce qu'elle a comme vertu, c'est de permettre d'autres propositions éventuellement. Mais à nouveau, c'est pas vous qui allez dire que ce que fait votre travail entraîne immédiatement, voilà, c'est quelqu'un d'autre de prendre la chose en charge, de fabriquer sa propre proposition, etc., etc., etc. Et ça, c'est une trajectoire absolument inverse à la trajectoire critique, puisque la trajectoire critique est toujours une trajectoire de retour. C'est-à-dire, au fond, de vérification plus ou moins sophistiquée, ça dépend des catégories de jugement, etc., on va pas rentrer dans les détails techniques, mais à quelque chose qui préexiste l'opération de jugement elle-même. Moi, je rêve, alors c'est peut-être effectivement, si vous me dites que c'est pas possible, mais je rêve effectivement d'une pensée qui n'ait pas besoin de critères, c'est-à-dire qui puisse les inventer, les fabriquer au fur et à mesure de son avancée. Et puisque nous parlons de pornographie, je vous pose ces questions parce que c'est en lien direct avec notre sujet. Pourquoi dans ce cas, dans la méthode que vous cherchez à mettre en œuvre, un tel tropisme pour les questions de pornographie? Je lis votre bibliographie, histoire de la prostitution, striptease, l'art de l'agacement, métaphysique de la putain, théorie du trou, contre l'érotisme, pornostars, fragment d'une métaphysique du X. Eh bien parce qu'il y a là-dedans quelque chose qui est, où je vous l'ai dit tout à l'heure, où le nouage des problèmes est... fait disjoncter tout le monde, si vous voulez. C'est vraiment un domaine dans lequel vous lancez le mot pornographie sur n'importe quelle table d'intellectuel, de non-intellectuel, tout le monde disjoncte. Et ça, c'est les endroits où, effectivement, si on est un peu lacanien, c'est les endroits où il y a quelque chose comme du réel, quoi. Donc c'est là où il faut bosser, parce que c'est là où ça fait mal. Parce que c'est là où ça fait mal. Ah, c'est là où ça fait mal, j'en suis sûr et certain. Kuntz, ce qui me passionne chez ce type, c'est pas son travail, c'est les réactions que ce travail produit. C'est hallucinant de voir que ce type a autour de lui, à part effectivement 2-3 Richard, 2-3 galeries, tout le monde le déteste. Et pourtant, ses expositions font le plein, etc., etc. Mais dès qu'il y a un discours d'autorité ou un discours un petit peu sophistiqué, c'est vraiment juste pour dire que c'est nul, quoi. Dans mon livre, quand je cherchais des critiques d'art, il n'y en a pas un qui pourront dire un mot plus ou moins positif. Pourquoi ? Ouais, puisqu'on sort du jugement, de toute façon, on ne dit pas c'est nul ou c'est bien. On en parle. On en parle. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Bon, on va se quitter avec la Tchotcholina, parce qu'on a entendu Jeff Koons. Voici donc Bravo. Son épouse, maintenant ex-épouse, qui s'est essayée à la chanson. Tchotcholina sur France Culture, les chemins de la philosophie. Un grand merci à vous, Laurent de Sutter. Merci à vous, au contraire. Merci d'être venu parler de votre livre Pornographie du contemporain, sous-titre Made in Heaven de Jeff Koons. On aura compris ce que vous essayez de dire sur cette œuvre. Il ne faut pas juger, mais en parler. C'est ce que vous avez fait pendant une heure. On peut désormais vous lire aux éditions La Lettre Volée. Puis je renvoie aussi, puisqu'on l'a évoqué, au livre d'Alain Badiou, hein, Pornographie du temps présent. Je n'ai pas sans écho avec votre texte qu'on trouve dans une coédition Fayard France Culture. À 10h53 sur France Culture, il est temps de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre de Jean-François Bronstein, paru aux éditions Grasset, et qui s'intitule « La philosophie devenue folle, le genre, l'animal, la mort ». Pour comprendre l'intérêt de ce livre, je vous propose de revenir sur quelques interventions médiatiques qui ont fait grand bruit ces derniers mois. D'abord, l'intervention d'Arnaud Gauthier-Favas, militant LGBT, sur le plateau de l'émission Arrêt sur image le 29 juin, animé par Daniel Schneiderman. Pourquoi a-t-il été si difficile d'inviter des femmes ? Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, ah, pardon ? Ah non, non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ? Ah bon ? Ah bah, il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Non, je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, comment et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous ? Comme non-binaire. Comme non-binaire ? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau. Non, c'est eux, mais genré, et c'est pas très agréable. Ensuite, l'intervention de Solveig Alloin, militante antispéciste, le 26 septembre sur le plateau de l'émission Grand Angle sur BFM TV, animée par Bruce Toussaint. Je vous pose la question très simplement pour commencer. Êtes-vous de plus en plus radicalisé ? Alors déjà, je voulais rectifier ce que vous avez dit. Je vous en prie. Il ne s'agit absolument pas de militants végans. Mm-hmm. Le véganisme est une forme de spécisme, puisqu'en fait, il abandonne les victimes aux mains d'un choix individuel. Quelle serait la bonne terminologie selon vous ? Animaliste, résistant antispéciste. Nous nous battons, c'est une lutte politique, c'est une lutte, un combat de justice, c'est un combat de civilisation pour abolir le plus grand esclavage de tous les temps, qui est l'élevage. Enfin, l'intervention de Jacqueline Jeanquel, militante pro-euthanasie, au micro d'Hugo Clément sur Combini en août. Bonjour Jacqueline. Bonjour Hugo. Vous avez l'air en très bonne santé, en pleine forme, mais vous avez pris une décision, c'est de mourir début 2020. Pourquoi ? Bah parce qu'il faut bien fixer une date à un moment ou à un autre, si on veut partir comme on veut partir. Vous pouvez légitimement vous demander quel est le rapport entre l'homme qui ne veut pas être assigné à son genre, la femme qui considère que les animaux sont aujourd'hui victimes de déportations et de génocides au même titre que les humains ont pu l'être, et celle qui considère que la vieillesse est un naufrage et qu'il faut donc en finir le plus vite possible avec la vie. Eh bien, pour le philosophe Jean-François Bronstein, il y a un rapport. Tous ces nouveaux militantismes sont le résultat d'une nouvelle philosophie portée par des auteurs anglo-saxons qui cherchent à radicalement changer les définitions du sexe et du corps, à effacer les frontières entre l'homme et l'animal et à faire admettre que toutes les vies n'ont pas la même valeur. Judith Butler à Berkeley, Peter Singer à Princeton, John Monnet à l'université Johns Hopkins, Donna Haraway à l'université de Californie à Santa Cruz, Hugo Tristram Engelhardt à Rice University à Houston. Tous ces penseurs s'adonnent depuis quelques décennies déjà à ce que l'on pourrait qualifier de véritables expériences de pensée. Par exemple, John Monnet, le fondateur de la théorie du genre, considère que cela devrait être normal d'amputer un membre dont on n'est pas pleinement satisfait. Donna Haraway, elle, connue pour être la théoricienne des cyborgs, confesse qu'elle échange de profonds et langoureux baisers avec son chien afin d'abolir les barrières entre les espèces. Peter Singer, théoricien de la libération animale, considère quant à lui qu'hommes et animaux devraient pouvoir être autorisés à avoir des relations sexuelles mutuellement satisfaisantes. N'oublions pas non plus Hugo Tristram Engelhardt, fondateur de la bioéthique, qui suggère de faire des expérimentations médicales sur des malades au cerveau lésé plutôt que sur des animaux bien portants. Or, pour Jean-François Bronstein, tout cela ne relève pas seulement de l'expérience de pensée. Il s'agit bien plutôt d'une véritable révolution anthropologique dont les effets commencent à se faire sentir dans le monde réel. En proposant une lecture éclairée et informée des fondateurs des gender studies, des animal studies et de la bioéthique, Bronstein permet d'accéder à la racine de tous ces nouveaux courants de pensée, dont le dénominateur commun reste la volonté d'abolir toutes les limites et toutes les frontières. Cette volonté, selon Bronstein, provient, chez tous ces auteurs dont il décortique minutieusement les pensées, du désir d'éviter à tout prix toute douleur psychologique et d'évacuer de la vie même toute notion de tragédie. L'intention est discutable en soi. Le but de la philosophie n'est-il pas plutôt de nous donner les clés pour comprendre que la douleur et la tragédie sont consubstantielles à l'existence ? Mais au-delà de l'intention, Bronstein s'attaque aux aberrations auxquelles tous ces nouveaux courants de pensée peuvent conduire. Si le genre n'a rien à voir avec le sexe, pourquoi ne pas en changer tous les matins ? S'il n'y a plus de différence entre animaux et humains, pourquoi ne pas autoriser la zoophilie ? Si on choisit d'interrompre des vies jugées comme indignes d'être vécues, pourquoi ne pas nous débarrasser d'emblée des bébés défectueux ? Autant de questions qui ne peuvent trouver une réponse que dans un sursaut de bon sens que Bronstein appelle de ses vœux. Bon sens parfaitement résumé par la formule de George Orwell. Il faut être un intellectuel pour croire une chose pareille. Quelqu'un d'ordinaire ne pourrait jamais atteindre une telle jobardise. Après les liens qui libèrent, repensons donc un peu aux frontières qui nous constituent. C'est ce que propose Jean-François Bronstein dans son ouvrage « La philosophie devenue folle, le genre, l'animal, la mort » paru aux éditions Grasset. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et un grand merci à Marie Simon qui a préparé cette émission avec Anaïs Isbert, Sharon Houry, Colomba Grossi, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, c'est Philippe Baudouin qui réalise cette semaine, c'était Alexandre Dang à la prise de son, Yvan Morane à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série Pornographie. Demain, ce sera Denis Ramon qui viendra se demander s'il faut interdire la pornographie. Pornographie et liberté d'expression, ce sera donc le sujet de l'émission de demain à 10h. Mais d'ici là, pour réécouter cette émission, sachez que c'est très simple. Rendez-vous sur France Culture, à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.